Bonjour à toutes et à tous sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Si vous ne nous connaissez pas encore, Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Bertrand, bonjour Bertrand. Justine, bonjour Gaëtan, bonjour Aurélia, bonjour à tous. L'agent Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour Justine et bonjour à tous les auditeurs. Et moi-même Justine, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de phénomènes physiques ou chimiques. Pour info, l'ENSIC est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Et aujourd'hui, attention, nouvelle émission spéciale avec un, ou plutôt une invitée spéciale, qui est une ancienne élève justement de l'ENSIC, maintenant doctorante. Bonjour à toi Aurélia. Bonjour à tous, bonjour Justine, et bonjour à tous les auditeurs. Tu vas dans quelques instants nous présenter ton parcours et ce sur quoi tu travailles en ce moment. Mais avant tout, voyons ce que nos fidèles agents vous ont préparé pour enrichir vos connaissances. Alors Gaëtan, dis-nous tout. Eh bien, pour ma part, je vais commencer par une petite série de chroniques comme tu avais fait sur le nucléaire. Et moi, je vais vous parler du phosphore et on va aujourd'hui voir comment cet élément chimique a été découvert. Eh bien, en savoir plus sur les éléments chimiques, quoi de mieux ? Mais alors toi, Bertrand ? Moi, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus quotidien, beaucoup plus bête, c'est-à-dire du papier. Donc, je vais vous montrer comment on le fait et comment on le recycle. Eh bien, je pense qu'on a vraiment tous hâte d'écouter ça. Mais ne perdons pas plus de temps. Gaëtan, je t'en prie, livre-nous tous tes secrets. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Bon, alors, on va parler du phosphore ensemble. Si j'ai choisi de vous parler de cet élément aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, je me suis demandé... qu'est-ce qui fait que les allumettes s'enflamment quand on les frotte sur leur paquet ? Et puis j'ai vu qu'il y avait du phosphore dans l'histoire. Si je suis vraiment, vraiment honnête avec vous, ce qui m'a décidé à vous en parler aujourd'hui, c'est à cause de l'histoire qui entoure sa découverte, parce que si personne ne vous la raconte, vous passerez à côté d'une chose folle. Allez, c'est parti. Notre histoire débute donc en 1669, et à cette époque, en Allemagne, à Hambourg précisément, vit Henning Brandt. Il était ce qu'on appelle un alchimiste, c'est-à-dire un chimiste qui n'avait qu'un seul but en tête, celui d'obtenir la pierre philosophale, cette substance hypothétique qui pouvait, disait-on, donner à celui qui la découvrira les pouvoirs suivants. Premièrement, changer n'importe quel métal en or, mais aussi de guérir de n'importe quelle maladie, et enfin, le dernier pouvoir et non des moindres, accéder à l'immortalité. Et donc, Henning Brandt, dans sa quête effrénée pour trouver ce métal magique, a fait un jour une hypothèse plutôt étonnante. Si je vous résume ses propos, ça a donné quelque chose comme ça. Alors, l'or que je cherche à fabriquer est d'une couleur jaune bien brillante. Et puis, si je regarde un peu autour de moi, eh bien, mon urine aussi est d'un jaune un peu, même très prononcé. Alors, il serait peut-être possible, je dis bien peut-être, que j'arrive à fabriquer de l'or à partir de mon urine, ou du moins, trouver dans mon urine un moyen de parvenir à cette pierre philosophale. Fin de l'anecdote, mais début de l'histoire, car c'est ici que tout commence. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, il faut bien se fournir en matière première. Je vous passe bien évidemment les détails, mais il s'avère que des centaines de litres d'urine étaient stockés dans sa cave. On s'occupait alors de mélanger, de faire bouillir le contenu des tonneaux, en ajoutant des ingrédients supplémentaires afin de trouver la recette miracle qui donnera de l'or. Après moult expérimentations, Henning Brandt finit par obtenir une pâte blanche très très lumineuse qui était même visible dans une pièce totalement sombre. Il venait alors d'inventer le phosphore, et je dirais même plus le phosphore blanc. L'alchimiste allemand baptisa la nouvelle substance qu'il venait de créer phosphorus, du terme grec qui signifie encore d'ailleurs, ce qui est porteur de lumière. Du phosphore blanc qui brille dans l'obscurité, certains l'ont peut-être déjà deviné, mais avec la découverte de cet élément chimique vient aussi la naissance d'un autre nouveau mot pour décrire le phénomène, la phosphorescence. Il y a tout de même deux petits bémols avec ça. Déjà, en termes logistiques, il faut pas loin de deux grandes baignoires d'urine pour produire un peu plus de 100 grammes de phosphore, rien que ça. Et afin d'aider Brandt, l'armée allemande de l'époque en soldats contribue aux travaux du chimiste en remplissant ses stocks. Et puis, dans un second temps, la découverte du moment, il faut savoir qu'elle émet des vapeurs qui ne vaut mieux pas respirer, et surtout, Brandt s'aperçoit que le produit est hautement inflammable, sa maison peut en témoigner. On commence tout doucement alors à se rapprocher de l'invention de l'allumette, mais si vous le voulez bien, la suite ce sera pour la prochaine fois. Eh bien, il a des choses dont on ne se doute pas forcément de leur origine. Et vivement qu'il raconte l'histoire de l'allumette. Hein. Mais avant de passer à notre invité, on vous laisse en compagnie de Sting avec Fields of Gold. When the west wind moves upon the fields of barley, you'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Sur Radio Fagette, vous êtes toujours dans votre émission Mi-Science Impossible et je suis avec mes fidèles comparses Bertrand et Gaëtan, et ce dernier vous a expliqué l'origine de l'élément phosphore. Mais il est temps de passer à toute autre chose car notre invitée Aurélia, ancienne élève de notre école, est aujourd'hui avec nous. Rebonjour à tout le monde. Aurélia, tout d'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelles étaient tes matières préférées à l'école, ce qui te plaisait quoi, dans l'école? On parle à l'ENSIC ou on parle d'autres, de mon parcours avant? Parce qu'en soi, c'est un peu difficile à dire. Hein. Parce qu'en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une prépa bio, donc BCPST. Donc, en fait, j'étais pas du tout orientée pour faire du génie des procédés, quoi. Et c'est juste que j'avais vu qu'il y avait l'option biotech à l'ENSIC, donc je me suis dit, ça peut être chouette. Et en soi, ce que j'aimais bien avant la prépa, c'était la bio. Ensuite, ça m'a pas mal dégoûtée quand on voit qu'on a des dictionnaires à apprendre pour l'école. Enfin, c'était horrible. D'accord. Et puis, après, ce qui m'a plu, il y avait... franchement, à l'ENSIC, j'aimais bien la chimie orga, donc une matière qu'on n'étudie pas du tout. Enfin, quasi pas. Donc, c'était marrant. Et en soi, de façon générale, Initialement, en fait, moi, je voulais faire les beaux-arts, donc c'était plus tout ce qui était art play et tout qui m'intéressait. Effectivement, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Mais à un moment, je me suis rendue à l'évidence. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on va quand même rester sur du scientifique parce que bon, je pouvais le faire, quoi. Et puis, bah, voilà, en soi, qu'est-ce qui me plaît franchement, c'est un peu difficile, quoi. Un petit peu de tout, mais bon. En fait, après, là, je vois actuellement dans ma tête, je suis obligée de toucher à tout. Et c'est des choses que, même si au départ, ça peut paraître assez difficile, quand on commence à réussir à le gérer, bah, ça nous plaît, quoi. Donc, j'avais pas vraiment de matière préférée, mais voilà, je mets bien un petit peu tout, quoi. D'accord. Et donc, ton parcours un petit peu professionnel, si je puis dire, de la sortie de l'école jusque maintenant? Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en troisième année à l'ENSIC, j'ai fait de l'alternance. J'ai fait un an chez Sanofi, à Brindisi, c'est dans le sud de l'Italie. Et en fait, en sortant de cette alternance, je ne me sentais pas du tout prête pour rentrer sur le monde du travail. Et j'ai vu une offre de thèse par mail. Je me suis dit, ah, le sujet a l'air marrant. Et puis, bah, j'ai postulé. Et puis, bah, ils m'ont dit, bah, c'est bon, tu peux venir chez nous. Donc, du coup, je suis à l'ENSAIA. Ouais, je sais, c'est mal, ENSIC, ENSAIA, ils sont un peu ennemis. Non, je rigole. Mais du coup, c'était franchement... J'avais pas cherché à rentrer vraiment dans le monde du travail parce que je me sentais pas prête et j'avais besoin encore de me faire un petit peu confiance pour pouvoir rentrer vraiment voilà dans l'industrie quoi. D'accord. En parlant de la thèse justement, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer en deux trois mots le sujet et surtout comment ça se passe la recherche mine de rien? Alors du coup, en gros, moi ce que je fais, c'est que je vais cultiver des cellules qui créent des anticorps. Et les anticorps-là, ils sont utilisés pour des traitements thérapeutiques. Jusque-là, ça va. Sauf qu'en fait, les cellules-là, bah, c'est comme nous, quoi. Elles vivent, elles ont faim. Donc, du coup, il faut leur donner à manger. Il ne faut pas leur donner trop, sinon, comme nous, elles vont vomir. Et il ne faut pas leur donner pas assez, parce que autrement, elles ne sont pas bien. Donc, en fait, il y a tout un processus de pilotage qui va pouvoir mettre en œuvre le fait de nourrir ces cellules en temps et en heure et en bonne quantité. Alors, je pourrais le faire moi à la main, mais ça veut dire que j'ai pas de vie, quoi. Genre, très sincèrement, je reste à côté d'elle H24, donc ça, c'est juste pas possible. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est faire ça via un logiciel que j'aurais créé moi-même. Enfin, à partir de modèles que moi, j'aurais créé moi-même, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en soi, moi, très sincèrement, à l'ENSIC, tout ce qui était informatique, c'était l'horreur. Et là, bah, en soi, j'en fais. Mais en fait, quand on commence à réussir à gérer, bah, c'est hyper intéressant, quoi. Donc voilà, et la recherche. Moi, je sais qu'à l'école, j'avais fait un projet de recherche en deuxième année. J'étais allée à la Sapienza à Rome. Ça ne m'avait pas du tout plu parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de budget dans l'université là. Et vraiment, j'avais l'impression que ça avançait à rien. Là, franchement, pour une thèse, il y a beaucoup plus de budget qui est mis en jeu. Et bah, c'est hyper intéressant parce que on a une petite idée pour faire une expérience et on peut vraiment la concrétiser, quoi. Et ça me plaît vraiment beaucoup. En gros, il faut se dire que ton sujet de thèse, ça va être ton bébé et t'en fais ce que tu veux. Soit tu fais quelque chose bah, de médiocre parce que tu t'y intéresses pas vraiment, soit tu fais vraiment quelque chose dans laquelle tu t'es donné à fond et franchement, c'est fou, quoi. Il y a des moments difficiles où bah, tu vas être déçu par des expériences que tu vas faire, enfin les résultats qui te conviennent pas. Mais il y a des moments, enfin, c'est ouf, quoi. Quand ça marche, c'est trop chouette, quoi. Oui. Donc, franchement, la recherche, pour moi, c'est ton bébé. Et la recherche, c'est vraiment ton petit bébé. Et tu essaies de le faire aller le mieux possible, quoi. De le faire évoluer le mieux possible. D'accord. Et ça laisse beaucoup de temps libre, ça ou c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est, est-ce que la vie de famille, il faut la mettre un peu à côté, le temps d'être vraiment dans la recherche ou pas du tout? Non. Franchement, alors, j'en ai déjà parlé avec d'autres doctorants. En soi, moi, franchement, je me tape des week-ends au labo, quoi. Enfin, genre, là, quand je lance des manips, j'ai deux week-ends où je dois venir matin et soir pour faire des prélèvements qui durent une demi-heure, sachant que je mets une demi-heure pour venir, une demi-heure rentrée, ça me fait perdre 3 heures dans la journée, quoi. Alors, ça paraît trop chiant, mais en soi, on s'y fait. Et il faut choisir, en fait, quelle vie tu veux avoir. Je pourrais très bien ne plus avoir de vie et me mettre vraiment à donf dedans, mais j'arrive toujours à trouver du temps. Enfin, genre... J'ai du temps, avant le confinement, on avait toujours du temps pour voir des copains, pour aller boire des coups. J'ai du temps pour faire mon saxophone, j'ai du temps pour tout, quoi. Et c'est juste, il faut se donner le temps, en fait. C'est, pour moi, c'est ça. Oui, ça prend du temps, voilà. Mais faut faire la petite parenthèse et se dire, à côté de ça, je vais faire ce que j'ai envie de faire pour moi. Donc ensuite, tu as participé au concours Ma thèse en 180 secondes. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer brièvement ce que c'est? Et ensuite, nous raconter un petit peu comment tu l'as vécu, comment tu as préparé ça, voilà. Alors en gros, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours qui est international, francophone, mais il y a aussi une édition qui est anglophone, pardon. Et en gros, le but du jeu, c'est de présenter sa thèse de façon assez lucrative, on va dire, pour intéresser les gens, en maximum 3 minutes. Voilà, sachant qu'une thèse, c'est 3 ans minimum, voilà, autant vous dire un petit peu la complexité du truc, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une présélection au sein de l'Université de Lorraine qui va décider donc une dizaine de candidats qui vont participer à la finale régionale. À partir de ça, ils vont choisir 2 personnes qui vont être présentées pour la demi-finale nationale. Ils reprennent là-dedans 16 personnes qui sont prises pour la finale nationale et ensuite il y a la finale internationale. Enfin voilà, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Et en fait, ce qui est hyper rigolo, c'est que je sais que même avant de commencer ma thèse, j'avais déjà entendu sur France Inter des gens qui passaient justement pour ma thèse en 180 secondes. Et je m'étais dit, ouais, mais trop stylé, franchement, c'est une fois dans ma vie, enfin, c'est un jour dans ma vie, je fais une thèse, obligé, je fais ça, quoi. Et donc voilà, du coup, je l'ai fait. Et donc, je l'ai fait l'année dernière. J'ai passé la finale régionale, j'ai été sélectionnée. Sauf qu'il y a eu le Covid, donc ils ont annulé la session de l'année dernière. Alors déjà l'année dernière c'était horrible, mais genre c'est hyper stressant, je trouve ça hyper stressant, j'ai adoré hein, mais c'est hyper stressant. Et du coup je l'ai représenté cette année où j'ai encore gagné la finale régionale, et là c'était encore plus stressant parce que vu que j'avais gagné l'année dernière, je me dis bah enfin là je peux pas perdre, enfin bon bref, du coup je me suis mis la pression toute seule pour rien quoi. Mais c'est une expérience, c'est fou quoi, parce que ça te permet vraiment d'apprendre à parler en public. Et surtout de mettre des mots simples sur des trucs qui sont hyper compliqués. Enfin, je vois mon sujet, mais même moi, je ne comprends pas, quoi. Genre, c'est horrible. Et en fait, quand on arrive à mettre des petits mots de la vie de tous les jours dessus, et ben franchement, ça devient hyper clair. Alors, et c'est bien parce que c'est clair pour les autres, mais c'est aussi beaucoup plus clair pour nous ensuite, en fait. Moi, ça m'a permis beaucoup de réfléchir et prendre beaucoup de recul sur qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma thèse, en fait. Et c'est hyper intéressant. Ensuite, il y a tout l'aspect de la journée de la finale où on rencontre d'autres doctorants qui sont dans des domaines totalement différents de nous. Et c'est ouf, quoi, parce que tout le monde est motivé et c'est vraiment, vraiment bonne ambiance. Et franchement, les 2 années que je l'ai passées, ça a toujours été vraiment quelque chose de fou. Et je regrette pas du tout d'avoir participé, quoi. Et franchement, je conseille à tous les doctorants, enfin, s'il y en a qui écoutent, de tenter l'expérience. Parce que il y a que du positif à en tirer, quoi. Voilà, c'est un peu, moi, pour moi, vraiment que du positif, quoi. D'accord, ça a l'air de t'avoir vraiment beaucoup plu. Ouais. Et d'ailleurs, je rappelle, du coup, la compétition est encore en cours. Et si vous voulez aller suivre un peu le déroulement, il y a le site internet Ma thèse en 180 secondes. Et puis aussi sur YouTube, je crois, le site de l'Université de Lorraine, il y a ta prestation Oui. en finale régionale. Donc j'invite ceux qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil, parce que c'est très intéressant. Effectivement, tu démocratises bien ta thèse, donc on comprend tout. Et moi, j'avais une petite dernière question pour clore l'entretien. C'est est-ce que, maintenant que tu as mis un peu le pied dans la recherche, est-ce que tu disais que tu avais une appréhension du milieu industriel? Est-ce que maintenant, tu te sens plus confiante, plus à l'aise? Est-ce que tu as envie de te tourner vers ça dans un futur, plus ou moins proche? Alors en gros, souvent une thèse, c'est pour s'orienter dans le modèle académique, quoi. Genre devenir prof, nananinana. Moi, c'est pas du tout dont j'ai envie. Pour moi, actuellement, maintenant, sachant que j'ai pas fini ma thèse, hein, pour moi, ce que j'aimerais, c'est après cette thèse, rentrer en industrie pharma, si possible, et continuer à faire de la recherche, quoi. Mais vraiment dans l'industrie, quoi. À voir, franchement, à voir. Pour moi, c'est encore flou. En fait, je ne me suis surtout pas encore vraiment posé la question. Donc, on verra. Mais pour l'instant, mon idée principale, ce serait, ma grande idée, ce serait ça pour l'instant, quoi. Super. Eh bien, merci beaucoup, Aurélia, d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous te souhaitons la meilleure réussite possible pour la suite de tes projets. Eh bien, merci beaucoup. Il est temps à présent de faire une pause musicale avec Le géant de papier de Jean-Jacques Lafont et on se retrouve tout de suite sur Radio Fagette. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la cale des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, arrivons à la dernière partie de cette mission impossible où, juste avant la pause, Aurélia, qui est doctorante, nous a parlé de sa thèse et de son travail du moment. Bien sûr, n'hésitez pas à aller réécouter tout ça en podcast. Mais Bertrand, je te laisse maintenant clore les sujets du jour. Merci Justine. Aujourd'hui, nous allons parler du papier. Vous avez sans doute entendu dire que le papier était fait à partir de bois, ce qui est totalement vrai. Mais qu'est-ce qui différencie le bois qu'on trouve dans nos parcs et forêts de nos feuilles A4? Eh bien, pour comprendre, dissèquons le processus industriel. Dans un premier temps, il faut transformer votre bois en pâte à papier. Pour ce faire, on commence par prendre le bois, on le déchiquette, je vais y arriver, et on le met sous forme de copeaux. Ensuite, les copeaux sont lessivés avec des produits chimiques à haute température et haute pression afin de séparer la cellulose et la lignine, qui sont toutes les deux des molécules contenues dans le bois. On obtient après ça une pâte dont la couleur varie en fonction de l'espèce de bois utilisé. Si on veut une pâte blanche, on blanchit la pâte. Ensuite, pour transformer la pâte à papier en papier, c'est comme pour les pâtes. On le presse, on fait passer dans des rouleaux, on sèche et on a notre papier. Mais du coup, ça se passe comment pour le papier recyclé? Très bonne question. Eh bien, c'est l'exacte même chose, mais la pâte obtenue sera de moins bonne qualité et sera donc utilisée pour faire soit du papier de moins bonne qualité, soit du carton. Maintenant, je vous propose de faire vous-même votre papier recyclé maison. Je me doute que de nombreuses personnes n'auront pas les matériaux nécessaires là tout de suite maintenant, car vous êtes sans doute encore au travail. Mais c'est une activité très sympa à faire en famille. Il vous faut un cadre en bois, une moustiquaire, du vieux papier ou du journal, de l'eau et un saladier. Rien de bien sorcier. Première étape, vous accrochez votre moustiquaire au cadre en bois avec des agrafes. Ensuite, vous retirez tout ce qui est plastique, agrafes ou autre truc comme ça de votre journal, vous le déchiquetez en petites bandes d'environ 5 cm de large. Ensuite, vous remplissez un saladier de papier jusqu'à ce qu'il soit rempli à peu près à mi-hauteur. Ensuite, vous mettez de l'eau chaude et vous attendez à peu près 6 heures. Ça fait beaucoup quand même. Si vous voulez un papier plus blanc, vous avez juste à rajouter un peu de vinaigre. 100 ml pour un saladier, normalement, ça passe. Ensuite, une fois que vous avez fait reposer votre papier et votre eau, vous remplissez un tiers d'un bac avec de l'eau chaude et vous rajoutez de la pâte. La pâte, c'est ce que vous avez obtenu avec votre saladier. Mais attention, plus vous mettez de pâte, plus le papier que vous allez obtenir sera épais. Vous pouvez donc tout aussi bien faire du papier à lettres que du carton. Cinquième étape, vous trempez le cadre, donc avec la moustiquaire, dans le mélange et vous agitez un petit peu, histoire que la pâte se mette dessus. Essayez d'avoir une surface plane. Ensuite, vous relevez le cadre sans le pencher et vous avez juste à le laisser sécher au-dessus du bac en attendant que l'excès d'eau soit égoutté. Septième et dernière étape, vous retournez la grille et ce qui est maintenant votre papier, vous le posez sur une surface séchante, par exemple un chiffon. Ensuite, vous soulevez le cadre. Vous laissez encore une fois sécher environ 12 heures et là, vous avez votre papier. Ça, c'est à répéter à chaque feuille que vous voulez. Eh bien, merci Bertrand pour ce petit tutoriel. Mais il est maintenant temps de passer au meilleur, je veux bien sûr parler du quiz. Alors, est-ce qu'il y a un thème cette semaine ? Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien oui, il y a un thème. On va parler un peu de biomimétisme. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que c'est pas le fait de s'inspirer des caractéristiques animales pour créer des objets, je ne vais pas dire du quotidien, mais c'est un peu l'idée. Je crois qu'on avait eu des personnes qui s'étaient inspirées de la peau du requin pour faire des combinaisons de piscine, je crois, enfin, des maillots de bain. Oui, pour les nageurs. Oui, t'as bien résumé. Donc, c'est un processus en fait qui s'inspire donc des formes, des propriétés, des matières ou divers processus du vivant, que ce soit animal comme végétal. Donc, je vais vous parler de deux innovations et vous allez devoir trouver de quoi on s'est inspiré pour les trouver. Ok. Ça va être sympa ça. Ouais, génial. Alors, première question. De quoi se sont inspirés des ingénieurs japonais pour profiler l'avant de leur TGV afin notamment de réduire le bruit du train en sortie de tunnel. Alors, donc, quatre propositions pour trouver de quoi elles se sont inspirées. Donc, une seule proposition est bonne, bien sûr. Alors, première proposition. Ils se sont inspirés de la langue du caméléon. Hop, on ne l'a même pas entendu sortir qu'elle a déjà gobé une mouche qui passait. Est-ce qu'ils se sont inspirés du corps de l'otarie qui se déplace aisément dans l'eau ? Ou bien ils se sont inspirés du bec du martin pêcheur qui entre dans l'eau à grande vitesse sans troubler l'eau. Ou bien ils se sont inspirés du museau du jaguar qui sait courir très vite et être discret pour surprendre ses proies. Alors, je parlerai en dernier parce que j'ai lu un article là-dessus. D'accord. Moi j'aurais dit le martin pêcheur, genre pas le caméléon, genre ça ressemble à rien leur langue. C'est pas faux. Moi j'aurais dit martin pêcheur mais sans trop, j'aurais pas dit le jaguar parce que je vois, enfin tu vas pas mettre un museau, c'est pas du tout, enfin tu vas pas mettre un museau sur un train, enfin je sais pas comment expliquer, c'est oui. Gros, c'est ce que le martin pêcheur c'est profil, plus fin hein. Quoi. Bah ouais. Moi j'avoue que avant que tu énonces les quatre propositions, j'ai pensé au bec d'un oiseau directement. Donc, je vais partir aussi sur le martin pêcheur. Et de mémoire, c'était ça aussi. Et oui, c'était bien ça. Allez. Ah, yes. Donc, on est juste incroyable. Pour limiter le bruit du train, donc en sortie de tunnel, ils se sont inspirés du martin pêcheur qui traverse l'eau avec son bec long et pointu. Et donc, ils ont reproduit cette forme à l'avant d'un TGV. Donc, j'ai vu une photo, c'est l'avant où il est très long et très allongé et qui ressemble bien au bec. Ils sont contents du résultat ou pas ? Oui, ils ont réussi bien à réussir le bruit, donc heureusement. Bah, a priori, s'ils utilisent le modèle, c'est que ça marche. Oui, oui. Alors, deuxième question. De quoi s'est inspirée une société, bon, encore japonaise, afin de mettre au point des aiguilles sans douleur ? Alors, encore quatre propositions et une seule bonne réponse. Est-ce qu'ils se sont inspirés du museau du fourmilier, donc qui est long et fin pour attraper les fourmis, de la trompe du moustique, qu'on connaît bien surtout l'été, hein, de la corne du narval, vous savez, il a une grande corne, un peu comme une licorne, sur sa tête, ou bien du dard de l'abeille. Aïe, on essaye de l'éviter. Hein. Ah, ça me paraîtrait un peu surprenant que ce soit la dent du narval, parce que, mine de rien, c'est quand même assez spiralé, donc à moins qu'il fasse tourner la seringue quand ils te la mettent, ça n'a pas beaucoup de sens, je pense. Mais moi, j'irais bien sur le moustique. Bah moi aussi, parce que pour moi, c'est le seul que tu sens pas, quoi. Parce que l'abeille, bah non. C'était, le premier, je sais plus, c'était quoi. C'était le fourmilier. Ouais, le fourmilier, mais non. Enfin, non. Moi, je suis team moustique aussi. D'accord. Bon, on va avoir un consensus, parce que je suis aussi team moustique. Parce que pour moi, le fourmilier, bah, il a peut-être un long museau, mais il cherche plus à manger et pas forcément à piquer. Le narval, il cherche clairement à se défendre ou à attaquer. Donc, si on voit un truc sans douleur, ça me paraît étrange. Pareil pour l'abeille. Donc, ouais. Malheureusement, je subis trop les piqûres indolores des moustiques pour donner une autre réponse. Bon, eh bien, je n'ai pas réussi à vous piéger parce que c'était bien le moustique. Donc, depuis 2005, une société produit des aiguilles coniques et non cylindriques qui essayent de reproduire la trompe du moustique pour qu'on ne la sente pas bah, quand on nous pique, justement. Ah, ok. C'est bien, un truc de forme. Je pensais qu'il y avait un petit truc en plus, parce que les moustiques, quand ils te piquent, ils te foutent pas en plus une petite espèce chimique sous la peau. Oui, je crois. Mmh. Ouais, peut-être une petite substance. Mais donc, déjà, peut-être d'avoir la forme, ça peut aider un petit peu. Mmh. Sûrement. Eh ben, on mourra moins bête ce soir. Ouais, doucement, il reste encore de quelques bonnes années à vivre. Mais malheureusement, il est déjà l'heure que s'achève cette émission de Miss Science Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et vous pouvez venir poser vos questions et nous y répondrons peut-être dans une future émission. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 14 mai, bien sûr, toujours à 16h. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.